nous, c'est Coup de cœur sur Fadjet, Serge en votre compagnie pour l'heure à venir, l'occasion pendant ces émissions inédites d'été de retrouver celles et ceux que nous avons mis à l'honneur depuis 4 saisons de la variété française, et qui dit variété, dit varié. C'est donc une programmation qui touchera tous les publics, on peut vous l'assurer. C'est parti, on commence avec le fils d'un musicien, Stanislas, c'est pas Stanislas Dedzinski, vous qui êtes touriste, qui visitez Nancy, vous allez obligatoirement passer par la place Stanislas. Non, là, Stanislas, c'est un jeune qui est formé très tôt aux rudiments de la musique classique. D'abord étudiant au conservatoire de Suresnes, puis à Boston, Renould Louis Stanislas, de son vrai nom, est reçu à l'âge de 19 ans à l'École normale de musique de Paris pour devenir chef d'orchestre. En 2004, il démarre la composition d'un album solo et travaille également sur un projet en collaboration avec son frère Thibaut. Son premier album, L'équilibre instable, sort en 2007 et il est porté, rappelez-vous, par le single Le Manège. toute l'équipe de Fadjet vous souhaite un très bel été. Stanislas, on l'avait mis à l'honneur le 16 juillet 2020 et deux mois avant, c'était Jean Ferrat. Bah, le chanteur Jean Ferrat nous a quittés en mars 2010 à l'âge de 79 ans en Ardèche des suites d'une chute. Et c'était un artiste engagé bien sûr au service de tous les combats pour la fraternité, la révolte et l'idéal communiste, mais également un poète fou d'Aragon qu'il a interprété avec talent. Je vous propose d'écouter un échantillon aimé à perdre la raison. Perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon. Et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix. Et de leur nuit, ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Jet en mode vacances. La voix de Jane Manson continue de nous bercer. La plus française des chanteuses américaines a célébré ses 72 ans en octobre dernier. Le temps passe, mais la mère de la chanteuse Shirelle aborde plutôt sereinement sa 7e décennie. Elle était notre coup de cœur du 5 novembre 2020 et rappelez-vous, il s'agit de la marraine artistique de celui qui est venu nous rendre visite dans le studio, de notre Cyril Alexis, chanteur lorrain, que l'on a accueilli avec beaucoup de plaisir. Thank you. Fadjet, rythme votre été. Liane Folly repart en thèse. Calembour, jeu de mots. Enfin, surtout son personnage. Après le succès de La Folle Parenthèse et La Folle part en cure, Liane Folly est donc à nouveau sur les planches dans La Folle repart en thèse, nouveau spectacle qui mélange humour, imitation, franchise, mais aussi chanson. Elle est en tournée dans toute la France jusqu'en avril 2024 et c'était notre coup de cœur du 12 novembre 2020. On a tous le droit, c'est ce qu'elle nous interprète maintenant. On a le droit, quand personne nous voit, de pleurer en silence, de regretter son enfance, de se laisser aller en regardant tomber la pluie. On a le droit, quand personne nous croit, de sortir sa violence, tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense, de parler à Dieu, de parler à qui on veut. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. Quand rien, plus rien ne va, de chercher son étoile, de jeter l'encre de son journal, de changer sa vie, de quitter l'ennui. Et puis on a le droit, et qui nous en empêchera? FM ou sur Fadjet.net, où que vous soyez, Fadjet vous accompagne tout l'été. Allez, je trinque avec vous une petite citronnade, quelques bons glaçons, et c'est l'été 2023. En 2018, février 2018, Salvatore Adamo était de retour dans les bacs. Si vous saviez, un nouvel opus co-réalisé avec Clément Ducol. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, c'est le compagnon de la chanteuse Camille. Qui a déjà collaboré avec Camille Dalmé? Eh ben, on peut parler de Vianney, de Marc Lavoine, Maxime Le Guil, Christophe, Mika, Christine and the Queens. Elle a une très jolie voix et comme premier extrait, Salvatore et Adamo avaient choisi le single « Justin, je t'aime » en duo justement avec Camille, enregistré en live avec un orchestre acoustique. Pour info, Salvatore Adamo sera au Grand Rex à Paris le 18 octobre prochain. Ce que vous allez écouter, c'est une petite merveille, c'est une pépite. C'était notre coup de cœur du 28 janvier 2021. Juste un, je t'aime. Les mots du cœur, juste un je t'aime, faites-vous cette fleur, juste un je t'aime, payez-vous ce cadeau, ces mots suprêmes qui font voler si haut. Le temps de réfléchir, il est déjà trop tard. Il suffit d'un soupir, de la brume d'un regard, pour que les mots s'effacent sur l'écran des pudeurs, pour que le rêve passe et le doute demeure. En cet instant fragile, quand l'idée vous effleure, offrez-vous ce bonheur, même s'il est plus facile de se tenir bien droit, même s'il est plus viril de tout garder pour soi. Juste un je t'aime, sans penser à demain. Belles chansons françaises, écoutez-les sur Fadjet. Depuis le début de sa tournée à travers la France, France, Michel Polnareff a eu l'occasion de partager la scène à plusieurs reprises avec son fils Luca, 12 ans. Le jeune homme était notamment monté sur les planches pour chanter en chœur avec le public un joyeux anniversaire à son père le 3 juillet dernier, à l'occasion de ses 79 ans. Le lundi 10 juillet, il s'est produit, Michel Polnareff, sur la scène du Palace à Paris, devant 1100 fans qui étaient des privilégiés et qui ont eu l'opportunité de le voir se produire dans une salle beaucoup plus intimiste. Michel Polnareff a alors repris plusieurs de ses tubes incontournables, dont « L'amour avec toi »,« La poupée qui fait non » ou encore l'emblématique chanson « Love me please ». Please Love Me, et il a ensuite décidé de clôturer son concert par un sublime clin d'œil à son fils Luca, présent sur place, et ce, en interprétant Grandis pas, le morceau extrêmement touchant qu'il a écrit pour lui. Je vous propose de le retrouver, Michel Polnareff, et il a fait l'objet de deux émissions en carrière immense, 22 et 29 septembre 2022, beaucoup d'émotions à ce moment de son concert en juillet dernier. Grandis pas, n'oublie pas ce que tu sais. Grandis pas, t'es déjà ce que tu es. Chaque centimètre vaut comme un kilomètre. Ne laisse pas le temps faire de tes pas ce danger. Laisse tes joies rester là, tout près de toi. Reste un prince, ne quitte pas ce royaume-là. Dis-moi que tu nous aimes avec tes poèmes. Attrape de ma main. Dans tes dessins. Et quand je te tenais à moi face à l'inconnu, j'aimais tellement te rassurer. Maintenant c'est moi qui suis perdu. Et si on se ressemble,

Je vous l'ai dit, elle passe tout l'été 2023 en notre compagnie dans Coup de cœur. C'est Sheila. On va écouter Pop Art. Alors cette chanson, elle a un début, une introduction que vous allez reconnaître puisque elle a été piquée par les Papy Pop tous les 15 jours, le jeudi à 21h, de 21h à 22h sur Fadjet 94.2. Vous voulez vous détendre, vous voulez vous amuser, vous voulez oublier vos soucis quotidiens, vous les écoutez, c'est garanti. On écoute Sheila pour le moment. À Nancy sur 94.2. Les nouvelles concernant l'état de santé de Céline Dion sont rares. Alors, dès qu'un de ses amis proches ou un membre de sa famille accepte de se prononcer, les fans veulent toujours savoir comment se porte leur idole. En effet, depuis près de 2 ans, l'artiste québécoise a disparu de la circulation à cause d'un grave souci personnel. Elle avait déclaré souffrir d'un trouble neurologique très rare appelé syndrome de la personne raide et qui cause des spasmes musculaires. Alors que Claudette, sa sœur, qui a rassuré ses fans en assurant qu'elle travaillait fort et qu'elle allait s'en sortir. Céline Dion, on lui avait fait un petit coup d'œil le 11 juin 2020 dans notre émission et pour vraiment lui

laissé une trace et gravé à vie dans vos cœurs que de l'amour et du bonheur. J'aime mon prochain, j'aime mon public, tout ce que je veux c'est que ça clique. Je me fous pas mal de la critique. Quand je chante, c'est pour le public. Je suis pas un animal de cirque. Ma vie à moi, c'est la musique. Si je chante, c'est pour qu'on m'entende. Quand je crie, c'est pour ma défense. J'aimerais bien me faire comprendre. Je voudrais faire le tour de la terre avant de mourir et comment. Quoi le reste du monde a l'air. Autour de moi, il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Une chanteuse populaire, je suis rien qu'une femme bien ordinaire, ordinaire, ordinaire. Toute l'équipe de Fadjet vous souhaite un très bel été. Alors cette chanson ordinaire, c'est à Robert Charlebois qu'on la doit. Je ne trouvais plus son nom il y a quelques minutes. Je ne sais pas si vous avez vu le film où Valérie Le Mercier est exceptionnelle. Ça s'appelle Aline. Elle est dans la peau de Céline Dion. Moi, ça m'a touché. Un film que j'ai bien regardé 4 ou 5 fois avec grand plaisir. Justement, Aline, bah Christophe avait une première fois connu le succès avec ce titre, un de ses premiers morceaux, tube instantané en 1965, en pleine vague yéyé, collaboration avec Jean-Michel Jarre, alors à l'époque jeune parolier. Il a produit coup sur coup en 73 et 74 deux de ses albums majeurs, notamment Les Paradis Perdus et Les Mots Bleus, et leurs inoubliables morceaux titres. Après une période quasi blanche dans les années 80 et 90, Christophe était revenu à la musique, sortant 5 albums originaux entre 1996 et 2016, date de la sortie des Vestiges du Chaos, qui était son dernier disque. Nous, il était dans notre émission Coup de cœur le 30 avril 2020. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Sur Patché. Indochine, notre coup de cœur du 23 avril 2020, a inauguré la saison 2023 des concerts en plein air du Zénith de Nancy le samedi 17 juin. Une belle première puisque les gradins extérieurs étaient remplis. Le concert a affiché complet, pas moins de 22 000 personnes au total. Un été français, c'est ce que nous vivons actuellement. En plein suis sur un toit à regarder les orages et en courant les dangers des éclairs sur ton visage et les étoiles près de toi. Déjà notre dernier artiste du programme, c'est celui qui en 1972, après un premier parcours en solo, a constitué une troupe musicale appelée Big Bazaar. Il s'agit bien sûr de Michel Fugain. En s'inspirant de l'imaginaire du road trip, de la mythique Route 66 et du film Easy Rider, il imagine avec Pierre Delanoë pour le texte cette chanson qui évoque une atmosphère hippie de grands espaces et de jeunes gens aux cheveux longs, même si l'autoroute du soleil s'y substitue aux routes américaines, bien sûr. La chanson colle cependant à son époque, une époque de voyage en stop, guitare au dos, insouciant, avec une liberté sexuelle nouvelle. Une belle histoire, c'est ainsi que se termine notre émission. On retrouve Michel Fugain en live. Été 72, gros réchauffement de la planète. 73, baby boom. Bon, je veux bien. On n'est pas là pour surveiller votre vie, quoi, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et souvenez-vous, c'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel. chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le Petite précision, la chanson en live de Michel Fuga avait été captée à l'Alhambra à Paris. Quelques secondes pour se quitter, hélas, mais pour mieux se retrouver jeudi prochain à partir de 17h pour un nouveau rendez-vous de coup de cœur en été. D'ici là, je vous conseille de vous laisser bercer par les programmes de notre station durant cet été 2023. Plein de bonnes choses à vous d'ici notre prochain rendez-vous jeudi à 17h. Salut, bye bye!